Amen. Don't give up the fight. Never surrender. Fragile, indispensable. Si on m'avait pas lâché, nos frères. Présentimité, gravé comme stratégie dans la comme un stratège réservé quand tu te mets à compter ici qu'on soit tous cousins qu'on nous ait dit malsain qu'on nous ait dit attention n'as-tu pas entrepris de regarder avec attention Cléopâtre Boutac mais sécurité sociale. Protect, protect. Express yourself. About to explain. Have a cliché. Between time, space, continents. To listen between time and space, between continents. Depuis pas si loin, tu sais. Late sea is my enemy, is my friend. It's a ninja, I'm saying, yeah. Des tripes, du fond du cœur. Same song, same heart. Oh. Il a perdu Cyclope, mais il disait plus rien. Cyclope. Je parle français en fait. Au plus près du sol, playground. Thank you. résonnant. Je t'ai pas coupé, mais dis, redresse-toi là. Ça change rien du moment où tu veux. Y a plein de choses à faire sur la table. Range cette bouteille de whisky. Ma mère ou quoi? Non, y a un gros truc comme ça. Normalement. Oh non, maman. On a vu mes doigts de pied. Normalement dans ton club de basketball. Même pas mal. On se fout de ta gueule normalement. Pas de son du tout, et ça c'était nu. Tu te laisses trop aller, me laisse trop aller. Je mets des fois trop les pieds. Attention, le guitariste il est américain, il comprend pas ce qu'on dit. Doigts de pied en l'air. C'est la tournée qui fait. Quand tu vois ce qu'il y a entre mes doigts de pied, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est que ça part bien. Faire un truc de dingue. Truc de fou. Des fois, moi. Des fois tu voudrais faire une performance, tu voudrais, mais tu arrives pas. Y'a rien de mieux que le sensible. T'aurais envie des fois que t'as comme des fractales dans les yeux et que c'est l'envie. Des fois t'as des fractales et c'est ennuyeux, c'est dans des fois t'as comme il faut. Ça fait vibrer. T'as beau défourailler, rien n'y fait. Oui, oh, oui, non. je dis au bolchevique. Voilà.